De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves, comment vas-tu? Mais très très bien, et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, eh bien, tu vas nous inviter à observer l'observation factuelle. On va revenir sur des notions que tu as déjà un petit peu abordées, l'OSBD. C'est ça. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Alors déjà, l'observation factuelle, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Voilà, dans le OSBD, c'est le O, l'observation, étape entre guillemets numéro 1, mais on peut la mettre n'importe quand. Mmh. L'observation, le fait d'être factuel, ben, c'est s'exprimer de la manière la plus neutre possible. C'est être dans le non-jugement, dans la description, limite dans la quantification. Ça, c'est quelque chose qui a un avantage incroyable. Ça permet d'être mieux compris. Ça permet de vérifier qu'on parle de la même chose, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, et puis de relativiser, de prendre de la distance. Par exemple, si je dis à quelqu'un « ta chambre est en bazar », en réalité, c'est pas un fait. C'est un jugement, c'est mon opinion sur la situation. Mmh. Donc, comment je peux dire que la chambre est en bazar? Comment je peux, pour moi, qu'est-ce que c'est le bazar? C'est peut-être pas la même chose pour moi que pour toi. Oui, c'est pas le même rangement pour tout le monde. On n'a pas les mêmes curseurs, on n'a pas les mêmes notions de ce que c'est que le bazar ou le rangement. On peut avoir ses chaussettes dans le tiroir ou sur l'armoire. Voilà, ou par terre, ou dans le panier à linge. Voilà, exactement. Donc, quand on est parent, par exemple, on peut dire, mais je vois qu'il y a au moins 10 objets par terre. Et donc là, on est en train de décrire les choses. Et donc après, on peut dire, voilà, pour moi, je veux que dans ta chambre, il n'y ait aucun objet par terre. Alors, ils vont tous se retrouver sur le lit ou sur le bureau dans un premier temps, mais c'est déjà une première étape. On peut aussi, comme ça aussi, relativiser et prendre de la distance par rapport à des étiquettes qu'on peut se donner à soi ou aux autres. Par exemple, on va dire, quelqu'un, il casse un verre, et on lui dit, oh, qu'est-ce que t'es maladroit. Mais en fait, il casse des choses combien de fois par semaine, par mois, par an? Si ça se trouve, c'est la seule fois de l'année. Exactement. Donc, c'est important de quantifier et de ne pas s'enfermer dans des étiquettes. Donc là, quand on quantifie, quand on est clair comme ça, ça va vachement mieux. On peut aussi rendre une remarque ou une demande beaucoup plus acceptable, beaucoup plus recevable. Donc quand on dit, là, je vois 3 paires de chaussures dans l'entrée sur mon chemin, je décris la situation. Okay ? On peut le dire sur un ton plus ou moins agacé. C'est pas la même chose de dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Donc là, ça rend les choses plus acceptables. Ou pareil, si je suis un chef d'équipe et que je dis, oh là, je trouve que t'es vraiment pas impliqué dans ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que je ne suis pas impliquée dans l'équipe? Ah ben, en fait, cette semaine, je t'ai envoyé 5 mails, on est vendredi, je n'ai reçu aucune réponse à aucun des mails. Là, on donne à l'autre aussi des indications sur quel levier on est jugé et comment on peut faire pour rétablir la situation. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, comment on fait pour être dans l'observation? Comment on va faire, Noémie? Essayer d'être dans la quantification. Combien de fois? Quand? Donc, comme j'ai dit cette semaine, c'est arrivé 3 fois. On peut comparer à une référence quand on dit « arrête de crier ». Alors, on sait bien que dans plusieurs cultures, selon les familles, on peut parler comme ça plus ou moins toute la journée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire crier? C'est plutôt comparer. Ben là, je trouve que tu parles plus fort que tout à l'heure. Tu parles de plus en plus fort, de plus en plus vite par rapport à tout à l'heure ou à d'habitude, ou tes mouvements s'accélèrent. Et là, on va avoir un référentiel. Et ce qui est aussi super important, c'est de parler en jeu. Je vois ça. J'ai entendu la phrase là. Maîtresse, il m'insulte! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit cacaboudin. Voilà, c'est le mot qu'il a utilisé. Donc pour toi, entendre cacaboudin, c'est énervant ou c'est une insulte. Vous voyez? Donc en fait, c'est important de insulter, c'est déjà dire c'est une insulte, c'est déjà analyser, c'est déjà donner une valeur à la parole. Alors que si je redis la parole ou si je refais le geste, eh bien je suis plus neutre et je laisse la place à plusieurs interprétations possibles. Alors les points de vigilance, quand vous essayez de vous exprimer de manière factuelle, si vous n'avez pas d'entraînement, c'est que si vous faites une phrase en disant « c'est toujours comme ça, personne ne m'écoute, tout le monde m'en veut et je ne suis jamais entendue », ben ça c'est pas de l'expression factuelle, c'est une généralisation qui est souvent due à une fatigue. Et donc là, si vous voulez vous exprimer de manière factuelle, évitez d'utiliser ces termes-là et d'être dans la généralisation. Eh bien, cette chronique va nous amener à parler de messages clairs. Oui, voilà. Maintenant, vous êtes prêts. Vous avez votre ceinture orange de CNV où on a parlé des observations, des sentiments et des besoins. Et donc, comment on va combiner les 3 choses-là? Eh bien, rendez-vous pour la prochaine chronique. Oui. Et en attendant, bien sûr, on retrouve toutes tes chroniques en podcast. Oui, sur Fadjet. Sur Fadjet.net. Voilà. Et sur ton site aussi. Oui, c'est transposé sur mon site, lesoutilsdenoemie.fr. À bientôt. À bientôt, Yves.